Dans son magasin, Maître Panis tout guilleré met de l'ordre sur les étagères chargées de cordages, de poulies, de lanternes et de voiles. Puis avec un chiffon, il avive les reflets d'un très grand scaphandre de cuivre qui est debout le dos au mur et qui a l'air d'un chevalier du Moyen-Âge. Et voici que M. Brun vient lui rendre visite. Ah. Alors, M. Brun, vous l'avez bien vu ce bateau ? Eh oui, je viens de l'examiner à fond. Ah, et alors ? Eh bien, pour le prix, il me paraît très bien. Ah, je comprends, dites qu'il est vieux. C'est un véritable lévrier des mers. Alors, je vous fais le jeu de voile complet comme convenu, hein ? Naturellement. Tenez, tenez, voilà la maquette. Ah. Hein ? Et voilà la toile que je vous ai choisie. Tenez, touchez-moi ça, M. Brun. Ça a du corps, hein ? C'est léger, c'est solide et ça ne mouille pas dans l'eau, hein ? Et regardez-moi le grain. Eh oui, ça me paraît bien. Ah. Elle est un peu raide, vous ne trouvez pas ? Non, écoutez, Monsieur Brun, c'est une voile que vous voulez ou bien un pantalon pour madame ? Si c'est pour un pantalon, ne prenez pas ça. Mais pour une voilure, je vous le conseille.